La pluie tombe en trombe sur mes illusions devant la télévision. J'étais plein de bons plans et de sermons, d'idéaux, craigleurs et l'action. J'ai pensé à vivre ivre de passion. J'ai voulu gravir des blancs monts. J'ai pensé à faire le tour du monde et aider les esclaves du monde. Mais je n'ai pas trouvé le temps. Je n'ai pas trouvé le temps. Partage qu'aurait pu t'en plaire, qu'on envisageait de parfait. Tant de belles étincelles l'auraient fait naître si j'avais fait le nécessaire. J'ai englouti ma vie à temps, un messie. À rêver de ce que je pouvais prétendre, j'ai oublié d'entreprendre. Et je n'ai pas trouvé le temps, mais je n'ai pas trouvé le temps, je n'ai pas trouvé le temps. C'est tant et qu'on en est le grand, mais je n'ai pas. Le temps s'étend, mais je...